La couleur des mots de Géodame. Collection mot à mot. Quand les couleurs s'emparent des mots. Poème mis en couleur par Lily Brie. Merci à elle. Œuvre sous licence en lecture libre sur atramenta.net. La couleur des mots. Ah, comme falbala, salsa, samba, rouge tralala comme là-bas. Transparent, parel, envolé, bleuté par U, verdi lorsqu'accentué. I, jaune comme le pistil des lys, irisé d'or en épi de maïs. O, comme l'orange, le soleil couchant, la joie, les trémolos flamboyants. U, bleu de nuit, bleu de lune, sur la dune, chacun à sa chacune. Y, yes, yo-yo, yé-yé, yota, plus ying, yang, caméléon en hiatus. Je ne changerai pas la couleur des mots. Voyelles en couleur sont mes pinceaux. Synesthète, c'est ma fantaisie. Que voulez-vous? C'est ma synesthésie. 9 septembre 2017. Ici se termine La couleur des mots de Géodame, enregistré par Christiane Johan.